السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وبعد. On va continuer ce qu'il a dit Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah dans son explication du Nawaqid al-Islam. Il est toujours en train d'expliquer le deuxième annulatif. Il a dit Ash-Shubha al-Thaniya, la deuxième ambiguïté. أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله من باب تعظيم لله فإن الله عظيم لا يتوصل إليه إلا بالوسائط وهم الشفعاء الذين يشفعون عنده ويتوسطون عنده فهذا بزعمهم من تعظيم الله حيث لا يتوصل إليه إلا بوسائط كما إن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالوسائط والشفعاء فحصل من زعمهم هذا. Non, il a dit que premièrement, leur deuxième choubouha, c'est qu'ils disent qu'ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah, par immensification d'Allah Azzawajal, parce que Allah c'est un Seigneur qui est immense, et qu'on ne peut pas l'atteindre si ce n'est par, en passant par des intermédiaires, qui sont les intercesseurs, les choufara, qui intercèdent auprès de lui, et qui font l'intermédiaire entre eux et Allah Azzawajal. Et ils ont dit que ça fait partie de l'immensification d'Allah, parce qu'on ne peut pas l'atteindre si ce n'est par le biais de ces intermédiaires-là, comme pour les rois d'Andunia et les gens du pouvoir, qu'on ne peut pas atteindre que par des intermédiaires et par des intercesseurs. Donc le Cheikh a dit « Awwalan annahum qasu Allah azza wa jal ala muluki dunya wa hada amrun batil wa laysa min ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala bal huwa min tanaqqus illahi faithu innahum qasuhu bi khalqihi wa sarafu shay'an min ibadatihi li ghayrihi fashirku tanaqqusun lillahi azza wa jal wa laysa ta'ziman kama yaz'umun. Il dit que premièrement ils ont comparé Allah azza wa jal à ses créatures aux rois parmi les rois et les présidents dans le dunya. Il a dit que ça c'est quelque chose de caduque, c'est une chose caduque et ça ne fait pas partie d'une immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'au contraire c'est un dénigrement par rapport à Allah, parce qu'ils l'ont calé et ils l'ont comparé à sa créature et ils ont donné une partie d'adoration à autre que lui. Et le cheikh a dit que le shirk, le polythéisme, c'est un dénigrement par rapport à Allah Azza wa Jal, et ça ne fait pas partie de l'immensification d'Allah comme ils le prétendent. ثانياً أن قياس الله البشري تنقص لله تعالى فالله جل وعلا يعلم أحوال عباده أما البشر والملوك فلا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد يبلغهم عنها لأنهم بشر. أما الله عز وجل فإنه يعلم ما في السماوات والأرض ولا يحتاج من يبلغه حوائج عباده. Il a dit que deuxièmement, le fait de comparer Allah Azza wa Jal à sa créature, c'est un dénigrement. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il connaît l'état de ses serviteurs, alors que les humains et les rois, ils ne connaissent pas tous leurs sujets, et ils ne connaissent pas non plus leur état, ils ne connaissent pas l'état de leurs sujets, sauf si une personne leur transmet l'état de leurs sujets et de ceux qui sont sous leur autorité, parce que ce sont des humains. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il a la science de tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, Et il n'a pas besoin qu'on lui transmette les besoins de ses serviteurs. Il a dit ثالثاً أن ملوك الدنيا بحاجة إلى من إلى يقبلوا شفاعة الشافعين لأنهم بحاجة إلى الأعوان والوزراء فلو ردوا شفاعتهم لتنكروا عليهم وعادوهم فهم يقبلون شفاعتهم وإن كانوا يكرهون ذلك من أجل الإبقاء على ملكهم واجتلاب الناس للخضوع لهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده لا يحتاج إلى وزراء وشفعاء كملوك الدنيا. Et que troisièmement, les rois d'un dunya, ils ont le besoin d'accepter l'intercession de ceux qui font intercession. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de personnes qui les aident et de personnes qui les soutiennent comme leurs ministres. Et que si jamais ils n'acceptent pas leur intercession et leur shafa'a, et bien ils pourraient se retourner contre eux et les prendre comme ennemis. Donc ils sont obligés d'accepter leur shafa'a, leur intercession, même si ils détestent cela, pour préserver leur royaume et pour que les gens leur obéissent. Alors qu'Allah, il n'a pas besoin de ses serviteurs. Il se passe de ses serviteurs et il n'a pas besoin ni de personne qui l'aide, ni de personne qui intercède auprès de lui comme les rois d'un dunya. Rabi'an, anna mulka dunya fil ghalib, la yuriduna al khayra, wa la yu'tuna talaba illa ma'a tathaqul. أما الله جل وعلا فكريم لا يؤثر عليه أحد في إرادة خير في إرادة خير لعباده كما يؤثر على ملك الدنيا فالله جل وعلا إذا طلبته ودعوته فإنه قريب مجيب لا يحتاج إلى واسطة بخلاف ملك الدنيا فإنهم لا يعطون الطلب إلا بعد التي والتي كما هو معروف لأنهم بشر وصفة البشر الشح والبخل والتمنع والتنكر أما الله جل وعلا فإنه كريم مجيب قريب غني نعم quatrièmement, c'est que les rois d'un dunya, la plupart du temps, ils ne veulent pas le bien et ils ne donnent pas ce qu'on demande sauf quand ça leur pèse et que c'est lourd pour eux. Ils lui font le bien et ils ne donnent le bien que en le ressentant comme étant lourd et que ça leur pèse et que ça leur pèse beaucoup. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il est Karim, c'est un Seigneur qui est noble, qui est généreux et personne n'influe sur lui pour qu'il fasse du bien pour ses serviteurs, comme on influe sur les rois de Dunia pour qu'ils fassent du bien pour leurs sujets. Allah Azza wa Jal, il attrape ta ou la ta ou. Si jamais tu lui demandes et que tu l'invoques, fais-nous qu'Alib Mujib. Il est proche et il répond aux invocations et il exauce les invocations. Et il n'a pas besoin d'intermédiaire, contrairement aux rois d'un dunya qui ne donnent pas que lorsqu'on leur demande une fois et une autre fois et qu'on répète plusieurs fois la demande, comme c'est connu. Parce que ce sont des hommes et les hommes, leur attribut, c'est l'avarice et le fait qu'ils ne donnent pas facilement et qu'ils refusent. Alors qu'Allah Azza wa Jal, comme il a dit, Cheikh Karimun, Mujibun, Karibun, Raniyun. Il est noble et généreux et il exauce les invocations et il est proche de ses serviteurs et il est riche par excellence. Il se passe de tout le monde. Il y a Khamisan, Anna Mulka Dunya Fukaraun, ينفدوا الذي عندهم ينفدوا الذي عندهم وقد لا يكون عندهم شيء ويحتاجون إلى القرض وإلى الاحتيال أما الله جل وعلا فعنده خزائن السماوات والأرض فهو غني كريم كل حوائج الخلق عنده قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلو أن كل الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم اجتمعوا في سعيد واحد فسألوا فأعطاهم الله حوائجهم كلها لا ينقص ذلك من ملكه شيئا بخلاف ملوك الدنيا فلو أعطوا نفذ الذي عندهم كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فقياس الخالق سبحانه على المخلوق باتخاذ الوسائط عنده قياس باطل من وجوه متعددة. Il dit que cinquièmement, les rois d'un dunya, ils sont pauvres et ils sont en besoin. ينفد الذي عندهم, et ce qu'ils ont, ça finit et c'est pas éternel, ça ne perdure pas. Et c'est possible qu'ils n'aient rien et qu'ils aient besoin de demander de l'argent, d'emprunter ou de faire des ruses, comme c'est connu dans beaucoup de pays, qu'ils font des prêts à d'autres pays. Alors qu'Allah Azza wa Jal, عندهم خزائن السماوات والأرض, c'est à lui qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Donc il est غنيٌ كريم, il est riche par excellence et il est généreux. Et tous les besoins des créatures sont auprès de lui. C'est pour ça qu'il a dit dans le hadith Qudsi, يا عبادي أو من سيرفيتور لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Il dit que si jamais vous tous, du premier au dernier, des hommes et des djinns, que vous mettez tous dans un seul endroit, dans un esplanade dans un seul endroit et que vous m'invoquiez et que je donnais à chacun ce qu'il demande, ça ne diminuerait rien de mon royaume que comme l'aiguille diminue de la mer lorsqu'elle est mise dans la mer. Lorsqu'on met une aiguille dans la mer, qu'on ressort l'aiguille, ça ne diminue rien de l'eau de la mer. Pareil, par rapport à ce qu'il a dit là, Azoriel a dit que si jamais il donnait à chacun ce qu'il a demandé, ça ne diminuerait rien, ça ne diminuerait rien de son royaume. Le cheikh a dit que si jamais toutes les créatures du premier au dernier, les hommes et les djinns, ils se mettaient tous au même endroit et qu'ils demandaient à Allah Azzawajal et qu'ils leur donnaient tous leurs besoins, ça ne diminuerait rien de son royaume. Contrairement au roi d'un dunya, parce que si jamais ils donnent ce qu'ils ont, ça va se finir et ça ne va pas perdurer. Comme l'a dit le verset, ma'indakum yanfadu ma'indallah ibaq, ce qui est auprès de vous se finit. Et ce qui est auprès d'Allah perdure et est infini. Et il fait qiyas ibn Khalik subhanahu ala al-makhlouk bittikhad al-wasa'ita indahu qiyas batil. Il fait de faire l'analogie entre Allah et ses créatures en prenant des intermédiaires entre lui et ses créatures, parce qu'on prend des intermédiaires entre les rois et les gens de dunya. Il a dit ça, c'est un qiyas batil. C'est une analogie qui est caduque de plusieurs façons. Ensuite, il dit la troisième ambiguïté. الوسائط رجال صالحون ولهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى فنحن نسأل الله بهم لأننا مذنبون وهؤلاء رجال صالحون ولهم مكانة عند الله فنطلب منهم أن يقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. La troisième ambiguïté, c'est qu'ils disent que les intermédiaires là, ce sont des personnes qui sont pieuses et qui ont une place importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous, on demande à Allah par leur intermédiaire. Et parce que nous, on fait des péchés, on a beaucoup de péchés, et que eux sont des gens qui sont pieux et qui ont une place importante auprès d'Allah. Donc, on demande qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité et qu'ils intercèdent auprès d'Allah pour nous. Le cheikh a dit al-jawab an dalika anna salah al-akharin, وعمل الآخرين ليس لك فيه استحقاق وعملهم لهم وأنت لا ينفعك إلا عملك فإذا لم يكن لك عمل فهؤلاء لا ينفعونك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. نعم. Il a dit que la réponse est que le fait que les autres soient pieux et qu'ils aient des bonnes actions, ça ne donne pas de droit à toi sur leurs actions à eux. Et leurs actions à eux, ça leur profitera à eux, mais à toi, ça ne te profitera pas. Ce qui te profitera seulement, ce sont tes actions à toi. Il a dit que si jamais tu n'as pas de bonnes actions, les bonnes actions des autres personnes ne te serviront à rien, et ne te seront pas profitables. Comme il y a dans le verset, « Yom la tamliku nafsun li nafsin shay'a » le jour où aucune âme ne pourra rien faire pour aucune autre âme. Il y a aussi dans le verset, « Yom yafarru al-mar'u min akhihi » le jour où l'homme va s'échapper de son frère et de sa mère et de son père et de sa femme et de ses enfants. « Likulli mri'in yomaydin sh'nui yoni » chacun aura une affaire qui le préoccupera. Chacun aura ses soucis, chacun a ses péchés. Donc personne ne profitera à personne. C'est ça que ça veut dire, que personne ne profitera à personne. Que ce soit les parents, ou les enfants, ou les femmes. Il dit « Fasalahum la yanfa'uka ma dumta laysa laka amalun. Falimada la ta'amal anta hatta takuna salihan wa qariban min Allah. » Il a dit que le fait qu'eux soient pieux, ça ne te profitera pas à toi du moment que tu n'as pas d'action. Donc pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'action toi aussi, jusqu'à ce que tu sois quelqu'un de pieux et de vertueux, et que tu sois quelqu'un de proche d'Allah. Amma an ta'taqid annahu yuqarribuka ila Allah 'amalu ghayrik fa hada min al-khabal. Qala jalla wa ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Et le fait que tu aies la conviction qu'ils vont te rapprocher d'Allah et que les actions des autres personnes vont te rapprocher d'Allah, il a dit que hada min al-khabal, ça fait partie de la folie, de la junoun. Allah a dit Azza wa Jal, tilka ummatun qad khalat, ça c'est une communauté qui est passée, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, ils ont ce qu'ils ont acquis comme action et vous aurez vous ce que vous avez acquis comme action. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, vous ne serez pas interrogé par rapport à ce qu'ils ont fait eux comme action, c'est-à-dire que vous ne serez pas châtillé ni puni par rapport à leur action à eux. Il dit, fala yanfa'uka salahuhum وقربه من الله إذا لم تكن أنت على عمل صالح ولا عقيدة سليمة فإنهم لا ينفعونك أبدا. وإذا عملك هذا الشرك والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة، لأن الله جل وعلا يقول ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Il dit que le fait qu'il soit pieux et qu'il soit proche d'Allah, ça ne te profitera pas à toi tant que tu n'as pas de bonne action et que tu n'as pas une croyance qui est correcte et qui est saine. Il dit « فَإِنَّهُمْ لَا يَنْفَعُونَكَ أَبَدًا » Ils ne te seront pas profitables, ils ne te seront jamais profitables. Et de même que cette action-là, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Et le polythéiste, on n'acceptera pas l'intercession pour lui. On n'acceptera pas l'intercession de Shafa'a pour lui. Même si une personne faisait une intercession pour lui, elle ne sera pas acceptée. Comme elle a dit dans le verset, « Ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in »« Fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in » L'intercession de ceux qui font l'intercession ne leur sera pas profitable. En parlant des mouchikins et des mécréants. « Fa al-mushrik la tuqbal fihi shafa'atun wa ibadatu ghayrillahi shirkun » وإن كنت تزعم أنك تعبدهم لأجل أن يتوسطوا لك عند الله فأنت مشرك والمشرك لا تنفعه شفاعة فعليك أن تصلح عملك مع الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى أعمال الآخرين لأنها لهم فصلاحهم وعملهم لهم ولا ينفعك أنت إلا عملك الصالح فإن لم يكن لك عمل صالح فلا أحد ينفعك بعمله Non, ensuite, il a dit que le mouchrik, le polythéiste, on n'acceptera pas l'intercession pour lui. On n'acceptera pas l'intercession en sa faveur. Et le fait d'adorer autre qu'Allah, ça c'est du polythéisme majeur, c'est du shirk. Même si la personne prétend qu'elle les adore pour que ce soit des intermédiaires entre eux et Allah. Même si la personne prétend qu'elle adore ses personne là pour que ce soit l'intermédiaire entre lui et Allah. Il a dit que fa'anta mushrik, ce que tu fais c'est du polythéisme et tu es considéré comme un polythéiste. Wal mushrik la tanfa'u shafa'a, et le polythéiste l'intercession ne lui sera pas profitable. Fa'alik an tusliha 'amalaka ma'a Allah, ce qui est obligatoire pour toi c'est de perfectionner tes actions envers Allah et de ne pas te retourner vers les actions des autres parce que ça leur appartient à eux. Leur virtuosité et leur piété et leur bonne action, ça leur appartient à eux. Et ça ne te sera pas profitable. Et ce qui te sera profitable, c'est seulement tes bonnes actions. Et si jamais tu n'as pas de bonnes actions, personne ne pourra t'être profitable par le biais de ses actions, même si cette personne-là fait partie des plus proches parmi les gens auprès de toi. Même si cette personne-là fait partie des personnes les plus proches de toi. Ash-shubha ar-rabi'a, tu as dit la quatrième ambiguïté. وهي شبهة عريضة عندهم أن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس رضي الله عنه في الاستسقاء لما أجلبوا واستسقوا فإن عمر رضي الله عنه طلب من العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا قم يا عباس فدعوا فقام العباس فدعا لهم فاستجاب الله لهم قالوا توسل عمر بالعباس توسل عمر بالعباس دليل على أن اتخاذ الوسائط جائز. نعم، هذه كاتريم شبهة كاتريم أميغوتي et c'est une grande ambiguïté, c'est que Umar, qu'en a l'agré, il a pris l'intermédiaire de l'Abbas, qu'en a l'agré, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'istisqa, dans le domaine de pluie, lorsqu'ils ont été touchés par la sécheresse. Et Omar ibn Khattab, il a demandé à l'Abbas, qu'en a les agré tous, à l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah pour la pluie. Il a dit, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika fatasqina. On prenait l'intermédiaire de ton prophète, et tu nous donnais la pluie. Et maintenant, nous demandons par l'intermédiaire de l'oncle du prophète, de ton prophète, Faskina. Alors, donne-nous la pluie. Donne-nous la pluie. Il a dit, Kum ya Abbas fadu'u. Ensuite, il disait, lève-toi, ô Abbas, et invoque Allah. Et ensuite, il a dit, Fakam al-Abbas fada'a, fasajab Allahu lahum. Ensuite, Al-Abbas, il s'est levé, il a invoqué, et Allah, il a exaucer leur invocation. Donc ils ont dit que le fait que Omar ibn Khattab prenne l'Abbas comme intermédiaire, ça c'est un dalil que c'est permis de prendre des intermédiaires entre nous et Allah, et que c'est une chose qui est permise. الشيخ حيف نقول لهم سبحان الله إن عمر توسل بدعاء العباس ولم يتوسل بذات العباس أو بجاهه إنما توسل بدعائه فقال كم يا فقال كم فدعوا وطلب الدعاء أو طلب الدعاء من الصالحين أمر مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما راد عمر رضي الله عنه أن يسافر للعمرة ودعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم الشيخ دي سبحان الله عمر بن الخطاب il n'a pas pris l'Abbas comme intermédiaire directement, mais au contraire il a pris l'invocation de l'Abbas comme intermédiaire. يعني il n'a pas demandé à Allah عز وجل directement par le biais de l'Abbas comme disait Jean, par le biais de sa place ou son prestige ou sa baraka, ainsi de suite. Il a dit kum fad'u, il a dit lève-toi et invoque. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé par le biais de l'invocation de l'Abbas. Il a demandé indirectement par le fait qu'il a dit à l'Abbas de invoquer, ensuite l'Abbas il a invoqué et ils ont eu l'appui. Il a dit wa talab du'a min as-salihin amrun mashru', le fait de demander l'invocation à des personnes qui sont pieuses, ça c'est quelque chose de légiféré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Omar ibn Khattab, quand il a voulu partir pour faire la Umra et que le prophète l'a fait ses adieux, radiallahu anhu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tansana ya akhi min salih du'aik. Il a dit, ne nous oublie pas, ô mon frère, dans tes invocations. Après, les savants disent que ce hadith-là, il y a une divergence par rapport au fait qu'il n'est pas authentique, ou est-ce qu'il est authentique. Mais il n'y a pas de doute que c'est correct, comme disent les savants, que c'est permis de demander à des gens qui sont pieux, s'ils sont vivants et présents, qu'ils invoquent pour nous. Et il faut طلب الدعاء من الصالحين الاحياء امر مشروع. Le fait de demander une invocation à des gens qui sont pieux et qui sont vivants, ça c'est quelque chose de légiféré, c'est une chose qui est légiférée. اما الميت فلا يطلب منه شيء لكن الرجل الصالح الحي الحاضر يجوز لك ان تطلب يدعو الله لك او يدعو للمسلمين. وكذلك معاويه رضي الله عنه لما استسقوا امر يزيد وهو بن اسود الجرشي أَيَدْعُوا اللَّهَ فَدَعَ اللَّهَ. لهذا قال الفقهاء في كتب الاستسقاء أو في كتاب الاستسقاء يستحب التوسل بالصالحين. Il fait de demander l'invocation aux gens qui sont pieux, qui sont vivants, c'est quelque chose de légiféré. Par contre, une personne qui est morte, ça c'est pas permis du tout, on ne demande rien du tout. Mais la personne qui est pieuse et qui est vivante et qui est présente, c'est permis qu'on lui demande qu'elle invoque Allah pour nous ou qu'elle invoque Allah pour les musulmans. Comme il a fait Mouawiya aussi, lorsqu'ils ont demandé la pluie, il a dit à une personne qui s'appelait Yazid ibn al-Aswad de se lever et d'invoquer Allah, parce qu'ils avaient dit que c'était quelqu'un qui avait une invocation qui était toujours exaucée. Donc il a demandé de se lever et d'invoquer, il a invoqué. C'est pour ça que les savants du fiqh disent dans le Kitab al-Istisqa, le chapitre sur la demande de pluie, que c'est recommandé de demander l'invocation des gens qui sont pieux. C'est recommandé de demander l'invocation des gens qui sont pieux. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à Allah par le biais des gens, mais on demande aux gens qui sont pieux d'invoquer Allah directement. Ay bidu'a'ihim, comme il dit Cheikh. Ay bidu'a'ihim. C'est-à-dire qu'on demande aux gens qui sont pieux d'invoquer Allah directement et on ne demande pas à Allah par le biais des gens qui sont pieux, comme ils font les soufis aujourd'hui, ils disent par le biais d'un tel ou par sa bénédiction ou son prestige, son dja. Sur la baraka, ainsi de suite. Il a dit ولو كان المقصود التوصل بذواتهم أو بفضلهم أو مكانتهم لما عدل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة عند الله وله جاه لا يزولان بموته صلى الله عليه وسلم ما هذا لم يسألوا الله بجاه الرسول ولا بحق الرسول ولا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فعدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق إلى المفضول وهو عمه العباس. نعم il a dit que si jamais ceux qui voulaient dire Omar ibn Khattab, c'était le fait de demander directement par le biais de l'Abbas ou par son mérite ou sa place importante, les compagnons ils n'auraient pas laissé le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Alors que le prophète, il a une place importante auprès d'Allah et il a un prestige Et ce prestige-là, et cette place-là, ça ne disparaît pas même après sa mort. Ça ne disparaît pas même après sa mort. Mais malgré ça, les compagnons n'ont pas demandé à Allah, ils n'ont pas invoqué Allah en disant par le biais de l'importance du prophète ou son prestige ou son droit ou ses bonnes actions. Et les compagnons ont laissé cela et ils ont allé demander Omar ibn Khattab, il a demandé à son oncle, à l'Abbas, alors que c'est connu que le prophète Mohammed, c'est la meilleure des créatures, la meilleure des créatures. Et ils ont demandé à une personne qui est moins importante que lui, qui est son oncle. Il dit, et en gros, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé celui qui était meilleur et ils ont pris une personne qui était moins importante et qui a moins d'importance que lui. La seule raison, c'est parce que cette personne-là, qui était la meilleure des personnes, qui est le prophète Mohammed, était décédée. On ne demande rien à celui qui est décédé. Même si c'est le prophète Mohammed qui est la meilleure des créatures, on ne lui demande rien. Au contraire, on demande à celui qui est vivant. Donc on lui demande l'invocation, on lui demande l'aide, si jamais il est présent et qu'il est capable. Comme Allah l'a dit, entraidez-vous à la bonté et à la piété. فهذا هو الرد عليهم في قضية توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه لم يتوسل بذات العباس ولا بحق العباس ولا بجاه العباس لأن هذا أمر باطل إنما عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس وقال له كن فادعو وهذا أمر جائز لا بأس به حينئذ لا بد أن نبين توسل الجائز وتوسل الممنوع وتوسل الممنوع فتوسل ينقسم إلى قسمين توسل جائز وتوسل ممنوع نعم. Il a dit que ça c'est la réponse à ces personnes là leur shubuha et leur ambiguïté dans laquelle ils disent que Umar ibn Khattab radiallahu anhu il a pris Al-Abbas comme intermédiaire. Il a dit que il a pas pris Al-Abbas comme intermédiaire directement, mais il a demandé à Al-Abbas d'invoquer. Il n'a pas non plus invoqué Allah par le biais de l'importance de Al-Abbas ou son haqq ou son droit ou sa place importante auprès d'Allah. Et ça, c'est une chose qui n'est pas permise. C'est une chose qui n'est pas permise et qui est caduque. Mais plutôt, il a demandé à Al-Abbas d'invoquer. Il lui a dit, lève-toi et invoque. Il a dit, lève-toi et invoque. Et ça, c'est quelque chose de permis. Il n'y a rien d'interdit dans cela. Ensuite, cher, il a dit, فَهِنَيْنَ لَا بُدَّ نُبَيْنَ تَوَسُّلَ الْجَائِزِ وَتَوَسُّلَ الْمَمْنُوعِ. Ainsi, il faut qu'on explique ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans le tawassul, le fait de prendre des intermédiaires. Et le tawassul est divisé en deux parties. Une partie qui est permise et une partie qui n'est pas permise, qui est interdite. Premièrement, le tawassul qui est permis, il y a différents types. Le tawassul d'Allah بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Cheikh a dit, premièrement, le tawassul qui est permis, c'est le fait d'invoquer Allah par le biais de ses noms et ses attributs. Par le biais de ses noms et ses attributs, comme il est dans le verset, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, les plus parfaits. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils ont rétribué pour ce qu'ils ont fait. Ils sont rétribués pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on invoque en demandant par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. Il fait du'uhu biha, ay tawassalu ila Allahi biha, fanakoul, ou fatakoul, ya Rahman, irhamni, ya Ghafour, irfirli, ya Karim, akrimni, wa a'tini, ya Ghani, aghanini. وهكذا تتوسل إليه بأسمائه كما توسل أيوب عليه السلام فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتوسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين فاستجاب الله له. نعم. Il a dit, du coup, ça veut dire que tu l'invoques avec ces noms-là et tu prends l'intermédiaire de ces noms-là et tu l'invoques par l'intermédiaire de ces noms-là et tu dis, ô Ar-Rahman, fais-moi miséricorde, ô toi qui es miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Ghafour, Ighfirli, ô toi qui pardonnes beaucoup, pardonne-moi. Ya Karim, Akrimni, ô toi qui es noble, qui est généreux, fais-moi preuve de générosité. Ô A'tini, donne-moi. Ya Ghani Aghnini, et toi qui es le riche par excellence, rends-moi riche. De même que on demande par lui de ses autres noms et ses attributs, comme il a fait Ayoub alayhi salam, il a dit Anni masanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Certes, j'ai été touché par le mal, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah, il a exaucé son invocation. Il a invoqué par le biais de son nom et de son attribut le fait qu'il est miséricordieux. Et Allah, il a exaucé son invocation. Et il a exaucé son invocation. Et il a exaucé son invocation. Et il a exaucé son invocation. Et il a exaucé son invocation. Et il a exaucé son invocation. Et il a exaucé son invocation. إني كنت من الظالمين فاستجبنا له توسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت وتوسل إلى الله بتسبيحي أي تنزيحي وتوسل إلى الله باعترافه بذنبه إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له de même que Yunus عليه السلام lorsqu'il était dans le ventre du poisson dans les ténèbres de la mer, les ténèbres de la nuit, les ténèbres dans le ventre du poisson, il a dit Fanada fi dhulmati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il a appelé, invoqué, il a dit an la ilaha illa ant, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Subhanaka, gloire et pureté à toi. Inni kuntu minadh dhalimin. J'ai certes été parmi le nombre des injustes. J'ai certes été parmi ceux qui ont été injustes. Fastajabna lahu. Et Allah dit Azza wa Jalla, on l'a alors exaucé, on a exaucé son invocation. Fatawassala ila Allahi bi tawhid. Donc il a pris l'intermédiaire du tawhid. Il a dit la ilaha illa ant, une divinité digne d'être adorée sauf toi. Fatawassala ila Allahi bi tasbihihi et tanzihi. Et il a pris l'intermédiaire aussi de la purification et du fait de dire subhanallah, c'est-à-dire de purifier Allah et d'écarter de lui tout ce qui est mauvais. Fatawassala ila Allahi bi i'tirafihi bi dhanbihi. Et il a pris comme intermédiaire aussi le fait qu'il a reconnu son erreur et son péché. Inni kuntu minal zalimin, fastajaba Allahu lahu. Allah, il a alors exaucé Azza wa Jalla. Kadhalika tawassul bi du'a'i s-salihin al-ahya'i ja'iz. Kama tawassala Umar radiyallahu anhu bil 'Abbas radiyallahu anhu wa talaba minhu du'a wa talaba minhu ad-du'a. Kama tawassala Muawiyah bi du'a'i Yazid al-Jarshi. لهذا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء ويستحب التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين كما فعل عمر رضي الله عنه وليس المقصود التوسل بحقهم وذواتهم وجاههم فالتوسل بالجاه أو التوسل بحق الشخص أو التوسل بمكانة الشخص عند الله هذا كله توسل مبتدع ومحرم وهو وسيلة من وسائل الشرك. Non. Il a dit que de même qu'on prend l'intermédiaire de demander l'invocation à une personne qui est pieuse, les gens qui sont pieux et qui sont vivants. Ça c'est permis, comme il a fait Omar ibn Khattab avec Al-Abbas, qu'Allah les agrée, et comme il a fait Muawiyah avec Yazid ibn al-Aswad. Il a demandé qu'il invoque pour eux et il a invoqué pour eux. Et c'est pour ça que les savants du Fiqh disent dans le Kitab al-Istisqa, dans le domaine de pluie, yustahabu et tawassul bis salihin, que c'est recommandé de demander aux gens qui sont pieux de faire l'invocation pour eux, pour qu'ils aient l'appui. Yani, bidoua salihin. C'est-à-dire qu'on demande aux gens qui sont pieux qu'ils invoquent Allah pour avoir l'appui. Comme il a fait Umar ibn Khattab, et le Cheikh a dit que ce que les savants veulent dire, c'est pas qu'on demande à Allah par le biais de leurs droits, de ces personnes-là qui sont pieuses, ou de leur personne, ou de leur importance, ou de leur prestige, comme ils font les soufis, ils disent bihaqi fulan, bijahi fulan, bibarakati fulan, par le biais de sa baraka, ou de sa place, ou son prestige, ainsi de suite. Il a dit, tout ça, le fait de demander à Allah par le biais d'une personne, ou par son haq, son droit, ou par son importance, tout ça, c'est un tawassul qui est innové, qui n'est pas légiféré, et qui est interdit, et que c'est une des voies qui mène au shirk, c'est une des voies qui mène au shirk, au polythéisme. Deuxièmement, le tawassul qui est interdit. Wa tawassul ila Allah bi jahi al-shakhsi wa bi haqqi al-shakhsi ala Allah aw bi dhat al-shakhsi wa hadha tawassul mamnu' wa huwa wasilatun min wasail al-shirk. Yajib wa tafriqu bayn tawassul al-ja'iz wa al-mamnu'. Il a dit que deuxièmement, c'est le fait de demander à Allah par le biais du droit d'une personne, de son hap, son importance, ou de sa place importante, ou son prestige, ainsi de suite, ou par le biais de son âme. Il a dit que tout ça, c'est un tawassul très intermédiaire qui n'est pas permis, et c'est une des voies qui mène au shirk. Donc il faut absolument faire la différence entre les deux, entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Ensuite, il a dit, « وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُدِّينَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَ اللَّهُ فِي كِتَابِ التَّوَسُّلِ وَالْوَسِيلَةِ أنه بسبب اللبس والخلط بين أنواع التوسل حصل الخلط في هذا الباب، فلا بد من معرفة التوسل الجائز والتوسل الممنوع حتى لا يقع الإنسان في الخلط والخطأ. فهذا باب عظيم يجب العناية به لئلا يختلط الأمر، لأن شبهات هؤلاء المضللين تنطلي على بعض الناس العوامي، فيجب معرفة الجواب عنها حتى يلتبس الأمر. Il a dit que Cheikh Issam Damia, qu'il avait fait 50, il a dit dans son livre Al-Tawassul wal-Wasila que, à cause du fait que les gens ont mélangé entre différents types de tawassul qui sont permis et ceux qui ne sont pas permis, beaucoup de gens ont fait des erreurs. Beaucoup de gens ont fait des erreurs dans ce chapitre-là. Il faut absolument connaître le tawassul qui est permis et celui qui n'est pas permis, de sorte à ce que la personne ne fasse pas d'erreur, de sorte à ce que la personne ne fasse pas d'erreur et qu'elle ne se trompe pas. Et Cheikh a dit, Hada babun azim, ça c'est un chapitre qui est très important et il faut lui donner une grande importance pour que la chose ne soit pas ambiguë et qu'elle ne soit pas confuse pour les gens. Parce que les shubuhat de eux, les ambiguïtés de ces personnes-là, elles trompent certaines parmi les gens de la masse des musulmans. Il faut absolument connaître une réponse à ces shubuhat-là pour ne pas être trompé. Je t'ai dit, quand le Cheikh, rahimahullah, فمن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم كان يقول يا أحمد بدوي يا عبد القادر يا حسين يا علي يا فلان أغيثني أنقذني اشفي مريضي اشفي مريضي رد غائبي ويهتفون بأسمائهم فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء لغير الله والدعاء أعظم أنواع العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يعني أعظم أنواع العبادة إذا دعا غير الله فهذا أعظم الشرك والعياذ بالله سواء دعا ملكا أو نبيا أو صالحا أو جنا أو إنسانا نعم الشيخ الجديد شيخ محمد بن عبد الوهاب قال فمن اتخذ بينه وبين الله وسائط celui qui prend entre lui et Allah les intermédiaires, comme s'il invoquait et dit « Ya Ahmed Badawi, ô Ahmed Badawi, ô Abdel Qadir, ô Hussein, ô Ali, ô un tel, sauve-moi ou guéris mon malade, ou rends-moi ce qui m'a été pris, ce qui a disparu, et ils appellent avec leur nom. » Le shirk, il a dit que ça c'est du shirk akbar, c'est une polythéisme majeur, parce que c'est une forme d'invocation, et l'invocation c'est le plus grand type d'adoration, comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation, c'est l'adoration même. C'est-à-dire que c'est la plus grande partie, le plus grand type d'adoration. Donc, quand la personne invoque autre qu'Allah, elle aura fait du polythéisme majeur qu'elle nous en préserve. Peu importe qu'elle invoque un ange, ou un prophète, ou quelqu'un de pieux, ou un djinn, ou un homme. Ensuite, elle dit, Dakar al-Sheikh al-Islami, Rahimallah, anna shayatina, قد تتمثل بصور الأموات فيخرجون إلى الناس عند القبور فيقولون أنا فلان صاحب القبر ماذا تريد وهو شيطان تمثل في صورة الميت فيظن الناس أن هذا هو الميت وهذا معنى ما ذكره الشيخ. نعم. Il a dit que Cheikh Issam Damia, il a dit que des fois les shayatin, ils prennent la forme des gens qui sont morts. Et ils sortent de la tombe et disent « C'est moi un tel, celui qui est dans la tombe. Qu'est-ce que tu veux ?» Et en vrai, c'est pas celui qui est mort, c'est le shaitan qui a pris la forme de celui qui est mort. Et les gens, ils pensent que c'est celui qui est dans la tombe. Et yani, ils sont trompés par cela. « Kultu, le Cheikh l'a dit, Cheikh Fawzan, Kultu, wa qad yamuddu yadahu kama qalu. Inna al-Rasoola, sallallahu alayhi wa sallam, madda yadahu ila al-rifa'i. وصافحه هذا كذب وإن كان واقعا فالذي مد يده شيطان لأن الشياطين تتمثل عند الأضرحة والقبور بصور أصحاب القبور أو أنهم يتكلمون من داخل القبر فيظن الناس أن هذا الميت يتكلم فيسمعون صوته فيظن من يسمعه أنه صوت الميت وهذا وقع كثيرا هذا وقع منه كثير والشيطان يريد أن يغويهم في الشرك من حيث لا يدرون فيدعون القبر ويطلبون منه الشفاعة. Cheikh Fawzan il a dit que ça arrive même que des fois ils sortent leurs mains et tendent leurs mains. Comme ils ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, il a tendu sa main à Ar-Rifa'i et il l'a salué. Cheikh a dit Hada Kadib, ça c'est un mensonge, même si c'est arrivé. Celui qui a tendu sa main, c'est un shaitan, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que shayatin, ils prennent la forme des morts au niveau des tombeaux et au niveau des mausolées et ils se mettent sous la forme de ceux qui sont morts. Ensuite, il parle, ou sinon il parle des fois de l'intérieur de la tombe, et les gens pensent que c'est celui qui est décédé, le mort qui parle, ils entendent sa voix, et ils pensent que c'est la voix de celui qui est décédé, le mort. Et le cheikh a dit que ça s'est arrivé plusieurs fois, et Shaitan il veut égarer les gens dans le shirk et les faire tomber dans le shirk, d'une façon qu'ils ne connaissent pas, de sorte à ce qu'ils invoquent le tombeau, ou la personne qui est dans la tombe, et qui lui demande la shafa, l'intercession. والشفاعة حق الشيخ ليب الشفاعة حق لكنها لا تطلب من الأموات إنما تطلب من الله تقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في عبادك الصالحين ولا تقف عند القبر فتقول يا فلان أو يا رسول الله اشفع لي لأنه لا يطلب من الميت شيء إنما يطلب من الله والشفاعة ملك لله وليست ملكا لغيره. نعم إلى ذلك الشفاعة c'est quelque chose de réel, l'intercession c'est quelque chose de réel, mais on ne la demande pas aux morts, on ne la demande pas aux morts, à ceux qui sont morts, on la demande seulement à Allah Azzawajal. On dit oh Allah, fais que ton serviteur un tel puisse faire intercession pour moi, ou fais que ton prophète et tes serviteurs pieux puissent faire intercession pour moi, ainsi de suite. Mais on ne se met pas au niveau de la tombe et on dit oh un tel, oh prophète, oh Rasulallah, intercède pour moi. Ça c'est pas permis, parce qu'on ne demande rien à celui qui est mort, on demande seulement la shafa'a à Allah, on demande seulement l'intercession à Allah, parce que comme il dit le shaykh, la shafa'a mulkun lillah, la shafa'a ça appartient à Allah Azza wa Jal, et ça n'appartient à personne d'autre autre que lui. Ensuite il a dit hafidhahullah, wa la takunu illa bi shartain, ash-shartu al-awwal an ya'dana Allah biha, ash-shartu al-thani an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli tawhid wa la yakuna mushrikan. هذان الشرطان مأخوذتان من القرآن. نعم. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يديك الشفاعة الانترسيجون ne peut être faite, ne peut être faite que à deux conditions. Première condition, c'est que Allah donne la permission à Zawiyal. Deuxième condition, c'est que celui pour qui on fait la شفاعة, l'intercession, il fasse partie des gens du tawhid, du monothéisme, et qu'il ne soit pas un polythéiste. Et ces deux conditions-là, elles sont prises du Coran. Comme il y a dans le verset, « Man dhalladhi yashfa'u 'indahum illa bi'idni » Qu'est-ce qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est par sa permission ?« Qala ta'ala, la yashfa'una illa liman irtada » Et ils ne font intercession, en parlant des gens, que pour ceux qui l'agréent. « Ay irtadahu allahu, ay irtadallahu qawlahu wa amalahu wa huwa al-muwahid »« Amma al-mushrik fayakoulu allahu jalla wa ala » فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فذكر الشرطين من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وهذا الشرط الأول ويرضى وهذا الشرط الثاني وهو لا يرضى إلا عن أهل الإسلام والتوحيد ولا يرضى عن المشركين. نعم نقول هذه dans le verset لا يشفعون إلا لمن يرضى. Les anges ils ne font intercession que pour celui qui Allah l'agrée, c'est-à-dire que celui pour qui Allah l'agrée sa parole et ses actions, et c'est le monothéiste, le muwahhid. Par contre, ce qui est polythéiste, Allah dit à propos de lui Azzawajal, فما تنفعهم شفاعة الشافعين. L'intercession de ceux qui font l'intercession ne leur sera pas profitable. Il a dit aussi, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Les injustes, les polythéistes, n'auront pas d'amis chaleureux et n'auront pas non plus d'intercesseurs qu'on obéira, à qui on obéira et à qui on donnera la permission. Il a dit aussi que nombreux sont les anges qui sont dans les cieux, et que leur intercession ne sera profitable à personne, si ce n'est après qu'Allah donne la permission pour qui il veut et pour celui qui l'agrée. Donc le cheikh a dit dans ce verset-là, il a cité les deux conditions. Il l'a mis à dire, si ce n'est après qu'Allah donne la permission pour celui qui veut, ça c'est la première condition. Ça c'est la deuxième condition, c'est-à-dire qu'il l'agrée. Et il a dit qu'il n'agrée que ceux qui sont les gens de l'islam et du tawhid, et du monothéisme, et il n'agrée pas les polythéistes. Il n'agrée pas les polythéistes. إذن الشفاعة حق فتطلب من الله جل وعلا أما طلب الشفاعة من الأموات فهو الباطل. Le cheikh a dit que la shafa'a c'est quelque chose de réel, il n'y a pas de doute, mais on la demande à Allah Azza wa Jal. Le fait de demander la shafa'a à ceux qui sont morts, c'est quelque chose de caduc. فبطل قولهم إنهم يطلبون من الأموات الشفاعة ويقولون الشفاعة حق. نقول نعم الشفاعة حق لكن طلبها من الأموات باطل. إنما تطلب من الله كما قال تعالى قل لله شفاعة جميعا فالشفاعة ملك لله قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشيخ a dit que il y a pas de doute que شفاعة c'est quelque chose de correct, mais le fait de demander aux morts, ça c'est quelque chose de incorrect, qui est nul et qui est caduc. لَيْفَ بَطَلَ قَوْلُمْ أَنَّمْ يَطْلُبُونَ مِنَ الْأَمْوَاتَ الشَّفَاعَةَ. Donc leur parole, lorsqu'ils disent qu'ils demandent aux morts l'intercession, c'est quelque chose de caduque. C'est quelque chose de caduque. Et ils disent que la shafa'a, c'est une réalité. Nous disons na'am, la shafa'a, c'est quelque chose de réel. Mais le fait de demander aux morts, ça, c'est quelque chose de incorrect, qui n'est pas permis. On le demande seulement à Allah, comme il a dit, kulillahi shafa'atu jami'a. C'est à Allah qu'appartient l'intercession en entière. Il a dit aussi, dans le verset, ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. Il a dit dans le verset que personne parmi ceux qu'ils invoquent, parmi les divinités, ne possède la shafa'a, ne possède l'intercession, sauf ceux qui attestent la vérité, c'est-à-dire qu'ils attestent de la ilaha illallah et qu'ils connaissent son sens. Le cheikh a dit شهد بالحق أي شهد أن لا إله إلا الله. شهد بالحق, ça veut dire que il a attesté qu'il y a une divinité digne d'être adorée sauf Allah, la ilaha illallah. وهم يعلمون أي يعلمون معنى هذه الكلمة ويعملون بها. Ils connaissent le sens de cette parole et ils font des actions en fonction du sens de cette parole. لا يكفي مجرد التلفظ بالكلمة فقط وهو لا يعلم معناها أو يعلمه وهو لا يعمل به فلا تنفعه. فكذلك تطلب الشفاعة من الحي الحاضر بمعنى أنه يطلب منه الدعاء فتقول يا فلان ادعو الله لي بكذا وكذا كما طلب عمر الدعاء من العباس وكما يطلب الناس يوم القيامة يا شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر. نعم. Le cheikh a dit que ça suffit pas le fait de prononcer la parole sans connaître son sens ou de connaître son sens mais de pas le mettre en application, et ça c'est inutile. Il dit que de même que la shafa'a, l'intercession, on demande à celui qui est vivant et qui est présent, c'est-à-dire qu'on lui demande d'invoquer. On lui demande d'invoquer pour nous, on dit « Oh, un tel, invoque Allah pour moi dans cette chose-là ou pour cette chose-là. » Comme Omar ibn Khattab, il a fait avec Abbas, qu'Allah les agrée tous. Et comme les gens ils font Yom al-Qiyama, et comme les gens vont faire Yom al-Qiyama avec le prophète Mohammed, lorsqu'on lui demandait de faire intercession pour eux. Alors, ensuite, il a dit « Ashubha al-Khamisa » أن المشركين الأولين يدعون الأصنام والشياطين والجن أما نحن فندعو أناسا صالحين فكيف تجعلنا الصالحين كالأصنام. La cinquième ambiguïté, c'est qu'ils disent que les premiers mouchriquins, les premiers polythéistes, ils invoquaient des statues, des idoles et des shayatin et des djinns. Alors que nous invoquons des gens qui sont des pieux, des humains. Comment est-ce que vous pouvez comparer les pieux aux statues? الشيخ الذي حفظ الله سبحان الله أما تقرؤون القرآن الذي سبحان الله أسكو بن ليزبا القرآن أليس المشركون الأولون يطلبون شفاعة من الملائكة وهم صالحون يطلبون شفاعة من الأنبياء بعد موتهم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشيخ الذي نسبا que les premiers mouchikins, les premiers polythéistes, ils demandaient intercession auprès des anges et ce sont des pieux, de même qu'ils demandaient aux prophètes après leur mort. Ce qu'Allah a dit dans le verset Azzawajal, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne leur est ni nuisible ni profitable et disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. فهم يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح وهؤلاء أناس صالحون. والجاهليون متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الشجرة والحجر، ومنهم من يعبد الملائكة والصالحين والأولياء. فما عليه عباد القبور اليوم من جنس شرك الأولين الذين يعبدون الملائكة والصالحين. Donc le cheikh a dit qu'ils adoraient les anges, ils adoraient aussi Uzair et le Messie, Isa alayhi salam, comme ils ont fait les chrétiens, et que eux, ce sont des gens qui sont pieux. Donc les gens de la Jahiliya, ils étaient de différents types d'adoration. Chacun avait une adoration qui lui était propre. Chacun avait une adoration qui lui était propre. Certains adoraient les statues, d'autres adoraient le soleil et la lune, d'autres adoraient les arbres et les pierres, d'autres adoraient les anges et les pieux et les awliya. Donc le cheikh a dit que tout ce que font les gens aujourd'hui, ceux qui adorent les tombeaux, ça fait partie du polythéisme, des premiers polythéistes qui adoraient les anges et les pieux. Comme il a dit dans le verset, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Il a dit que ceux qui prennent en dehors d'Allah des awliya, des alliés, et qui disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité, إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Allah jugera entre eux, يوم القيامة, à propos de ceux dans quoi ils divergent. Il a dit « Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar » Certes, Allah ne guide pas celui qui est un menteur et un ingrat. « Fala farqa bayna ibadati al-muta'akhirin lil-kubur wa ibadati al-sabiqina min al-mushikin »« Falaysat ibadatu al-mushikina al-awwalina maqsuratan ala al-asnam kama taqulun »« Wala ala al-ashjari wal-ahjar » لكن منهم من يعبد الصالحين بدليل القرآن فإن الله ذكر أنهم يعبدون الملائكة وأناسا من عباده قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل على أنهم يعبدون الصالحين الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة بطاعته سبحانه وتعالى. Il a dit qu'il n'y a pas de différence entre l'adoration des premiers polythéistes et ceux qui adorent les tombeaux aujourd'hui, que c'est pareil, et que les premiers polythéistes, leur adoration n'était pas limitée au fait d'adorer les statues et les idoles seulement, comme ils disent. Mais ils adoraient, certains adoraient les arbres, d'autres adoraient les pierres, d'autres adoraient aussi les pieux, comme c'est dans le Coran. Allah a cité à Zawiyal qu'ils adoraient les anges et les pieux parmi ses serviteurs. C'est ça qu'il a dit dans le verset « Oulaïka alladhina yad'ouna yabtaquna ila rabbihimul wasila » Ceux qu'ils adorent, ils recherchent la proximité auprès de leur Seigneur en adorant. Donc le cheikh a dit que ça c'est la preuve qu'ils adoraient les pieux qui recherchent la proximité auprès de leur Seigneur en lui obéissant. Subhanahu wa ta'ala. الأمر واضح لكن مغالطات هؤلاء لا حصر لهم فيجب على طالب العلم أن يكون على بصيرة بهذه الأمور خصوصا الدعاة الذين ينتظمون في سلك الدعوة لأنهم سيواجهون مثل هذه الشبهات فعليهم أن يتعلموا هذه الأمور ويعرفوها من أجل أن يردوا على هؤلاء المشبهين الذين هلكوا أو أهلكوا الناس بشبهاتهم. Le cheikh a dit que ça c'est clair, mais ces gens-là, ils ont des erreurs avec lesquelles ils trompent les gens, et des grossièretés qui n'ont pas de fin, Il a dit « فَيَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ بِهَذِهِ الْأُمُورِ » Ainsi, c'est obligatoire pour l'étudiant en science qu'il sache et qu'il connaisse ces choses-là et qu'il soit clairvoyant par rapport à ces choses-là, surtout les prédicateurs qui prennent le chemin de la da'wa, de la prédication, parce qu'ils vont être confrontés à ces ambiguïtés-là. Donc, il faut qu'ils apprennent ces choses-là et qu'ils les connaissent, sorte à pouvoir les réfuter, ces gens-là qui ont été la cause de la perte des gens avec leur ambiguïté. فعباد القبور يتوكلون على الأموات فمنهم من يقول للميت أنا في حسبك أو حسبك يا فلان ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ولا تسمع من ألسنتهم ذكر الله إنما دائما لهجهم بمن يعبدونهم من دون الله ويتوكلون عليهم ويعتمدون والتوكل من أعظم أنواع العبادة قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشيخ a dit que ceux qui adorent les tombeaux, Ils mettent leur confiance dans les morts et disent « Je suis sous ta protection » ou un tel. Ils ne mettent pas sa confiance en Allah et le shirk, on n'entend jamais de eux l'invocation d'Allah, mais on entend seulement qu'ils parlent et qu'ils citent ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah et qu'ils mettent leur confiance en eux et ils se basent sur eux, se focalisent sur eux. Et dit que tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah, c'est une des plus grandes adorations. Comme Allah l'a dit, wa alayhi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Alors placez votre confiance seulement en Allah si vous êtes vraiment des croyants. Il a dit aussi, certes, les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et placent leur confiance en leur Seigneur. Ensuite, le Cheikh il a dit, fa ay min sifatim annahum يتوكلون على ربهم أنهم على ربهم يتوكلون فقدم المعمول للحصر على ربهم يتوكلون ولم يقول يتوكلون على ربهم إنما قال على ربهم يتوكلون فالتقديم الجاري والمجرور وهو المعمول على العامل لإفادة الحصر مثل إياك نعبد أي لا نعبد سواك فهذا أبلغ من قول نعبدك لأن نعبدك لا يفيد الحصر لا يفيد حصرا أما إياك نعبد فيفيد الحصر فتوكل عبادة عظيمة وهو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه وهذا لا يمنع من اتخاذ الأسباب النافعة مع توكل على الله فيجمع بين الأمرين لا يأخذ توكل فقط ويهمل الأسباب النافعة ولا يعتمد على الأسباب ويهمل التوكل بل يجمع بين الأمرين وهذا شأن المؤمن. نعم الذي كه يعني leur caractéristique c'est qu'ils mettent leur confiance en leur Seigneur seulement. Et là dans la phrase dans le verset il a dit ala rabbi mitawakkalun, يعني il a dit qu'ils placent leur confiance en leur Seigneur seulement. Il a inversé al amil ala al ma'mul jal majrur pour dire que ils mettent leur confiance en leur Seigneur seulement et en personne d'autre, comme dans iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire que on n'adore que toi, nous n'adorons que toi seul. Comme l'a dit Cheikh, si jamais il avait dit Na'abuduka, on t'adore à toi, ça n'aurait pas eu la même faïda. Mais là, comme il a inversé, Iyaka Na'abudu, ça veut dire nous n'adorons que toi seulement. Pareil ici, il a dit Wa'ala Rabbihim Yatawakkalun, c'est-à-dire qu'il place son confiance en leur Seigneur seulement et en personne d'autre. Non. Il a dit que Tawakkul, c'est une grande adoration, c'est une adoration qui est immense, et c'est le fait de mettre sa confiance en Allah Azzawajal et de confier ses affaires à lui, confier toutes ses affaires à lui, et que ça n'empêche pas de prendre les asbab, les causes qui sont légiférées, qui sont profitables avec tawakkul. Donc la personne doit faire les deux choses, elle doit mettre sa confiance en Allah et prendre les causes qui sont légiférées. Mais il ne faut pas prendre tawakkul seulement et délaisser les causes qui sont profitables, et ni non plus prendre les causes, les asbab et délaisser tawakkul. Au contraire, il faut faire les deux choses. Il a dit que ça c'est le cas du croyant. هذا شأن المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين ومع هذا فكان يأخذ بالأسباب فكان يعد القوة للجهاد وكان يلبس الدروع عند الجهاد هذه أسباب نافعة بإذن الله والمؤمن يجمع بين الأمرين الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله فلهذا يقولون الاعتماد على السبب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة لأن الشريعة أتت باتخاذ الأسباب النافعة. نعم. Il a dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, qui était le plus grand parmi ceux qui mettent leur confiance en Allah, il prenait des causes légiférées et il préparait la force pour le combat, pour le djihad. Il préparait ses armes et son armée et il mettait aussi une armure pour le protéger pendant les batailles. Et ça, c'est des causes qui sont légiférées par la permission d'Allah. Donc le croyant, il doit faire les deux choses, prendre les asbab, les causes qui sont profitables est permise avec le fait qu'ils mettent sa confiance en Allah. C'est pour ça qu'ils disent que le fait de prendre seulement les causes et de se baser, se focaliser sur les causes, ça c'est une forme de shirk, une forme de polythéisme. Et le fait de délaisser les causes aussi, ça c'est un dénigrement de la charia, c'est un dénigrement de la législation, parce que la législation est venue avec le fait de prendre des causes qui sont profitables. فهؤلاء المشركون يتوكلون على الأموات والأشجار والأحجار فيتوكلون على المخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق بشيء وكل إليه فمن تعلق بالله توكل عليه وتوكل عليه كفاه ومن توكل على غير الله فإن الله يكله إلى هذا إلى ذلك المخلوق الضعيف فيذيع أو فيضيع لأنه توكل على غير من يتوكل عليه، توكل على ضعيف مثله أو على من هو أضعف منه. Le cheikh a dit que les polythéistes, ils mettent leur confiance dans les morts et les arbres et les pierres, et ils placent leur confiance en eux, alors que ce sont des créatures. Et le prophète a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui se rattache à une chose, il sera voué à elle, il sera voué à elle. Donc celui qui met sa confiance en Allah azzawajal et qui met tout son espoir en lui, il lui suffira. Par contre, celui qui met sa confiance en autre qu'Allah, Allah il délaissera cette chose-là, il sera voué à cette chose-là qui est faible. Et il va être négligé parce qu'il a mis sa confiance à une personne dans laquelle il ne peut pas mettre sa confiance. Et il a mis sa confiance dans une chose qui est faible comme lui, ou peut-être même plus faible que lui. Il dit « Wala shakka an al-hayya laysa kan mayit » فالحي يستطيع أن يمشي ويأكل ويشرب ويكتسب ويعمل، أما الميت فقد انتهى عمله، فكيف إذا ماتوا جعلوهم آلهة من دون الله وهم أموات لا يملكون شيئا لأنفسهم، لا يستطيع أن يكسب لنفسه شيئا، فهو مرتهن، فكيف يتوكل عليه ويعتمد عليه ويطلب منه الحوائج وهو ليس عنده شيء ولا يستطيع، لكن إذا انتكست الفطر وجاء التقليد جاء التقليد الأعمى، وشيطان يزين للناس هذه الأمور، بل إنهم يسمون هذه الأمور هي التوحيد، ويسمون التوحيد كفرا أو شركا، يقولون لمن ينكر ويقولون لمن ينكر عليهم أنت لا تحب الأولياء لأنك لا تدعوهم ولا تذبح لهم ولا تنذر لهم، عندهم حب الأولياء أن يتخذوا من دون الله أندادا. نعم. Donc le cheikh il a dit que il n'y a pas de doute que le vivant et le mort ne sont pas pareils. Le vivant et le mort ils ne sont pas pareils parce que celui qui est vivant il peut faire des choses, il peut marcher, il peut manger, il peut boire, il peut faire des actions. Alors que celui qui est mort il ne peut plus rien faire, ses actions sont interrompues. Donc comment est-ce qu'on peut le prendre comme divinité alors qu'il est mort et on en fait une divinité en dehors d'Allah. Alors qu'ils ne possèdent rien ni pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus faire d'action, ni pour eux, ni pour les gens. Il a dit, وَهُوَ مُرْتَهَنْ Et c'est le prisonnier de ses actions, comme il a dit dans le verset, كُلُّ مْرِينَ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ Chacun sera la proie et un rançon de ses actions. Donc comment est-ce qu'on peut mettre sa confiance en eux, et se focaliser sur eux, et leur demander nos besoins, alors qu'ils n'ont rien et qu'ils ne peuvent rien faire. Il a dit qu'il cherche que ça, c'est quand la saine nature des gens elle est détériorée, et que le suivi aveugle vient, le shaitan, il ambie ça pour les gens, et de sorte à ce qu'eux-mêmes, ils appellent cela comme étant du tawhid, ils appellent cela, le fait de prendre les gens comme intermédiaires, en étant du tawhid, et ils appellent le tawhid comme étant du shirk ou du kufr, du shirk ou du kufr, comme certains savants égarés, ils ont dit sur le kitab de Ibn Khuzaymah, le kitab tawhid, ils ont appelé le kitab shirk, Kitab al-Tawhid de Ibn Khuzayma, certains savants parmi les égarés l'ont appelé Kitab al-Shirk. Et ils disent à ceux qui les blâment qu'ils n'aiment pas les awliya. Ceux qui les blâment quand ils font du shirk, ils disent qu'ils n'aiment pas les alliés, les awliya, parce qu'ils ne les invoquent pas et ils ne font pas de sacrifices pour eux et ils ne font pas de vœux pieux pour eux. Pour eux, l'amour des awliya, c'est le fait de les prendre comme semblables à Allah et comme des égaux à Allah. Le Cheikh l'a dit, Havidallah, na'am. نحن نحب الأولياء نحن نحب أولياء الله ونقتدي بهم وندعو لهم أما نتخذهم أندادا مع الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليهم بالعبادة فليست هذه هي محبة الأولياء والصالحين إنما هي الشرك. نعم الشيخ قال نعم نعم الأولياء ونعم الزاليين من الله on les prend comme guide et on invoque pour eux, mais le fait de les prendre comme égaux et semblables à Allah et de se rapprocher à eux par l'adoration, ça fait pas partie de l'amour des pieux et des vertueux et des awliya. Au contraire, c'est du shirk, au contraire, c'est du polythéisme. Et ceux qui sont pieux, ils n'acceptent pas, ils n'agréent pas le polythéisme, ils n'acceptent pas non plus qu'on les adore en même temps qu'Allah ou en dehors d'Allah ou avec Allah. فمن الذي يحب الصالحين إن الموحد هو الذي يحب الصالحين يتولاهم ويدعو لهم ويقتدي بهم يستغفر لهم لا الذي يدعوهم من دون الله ويذبح لهم ينذر لهم وهم لا يرضون بهذا لا يملكون من الأمر شيئا لا يملكون من الأمر شيئا Le cheikh a dit, qui est-ce qui aime les pieux? Il a dit que le monothéiste, le muwahid, c'est lui qui aime les pieux vraiment et qui les prend comme alliés, qui invoque pour eux et qui les prend comme guides et qui demande pardon pour eux en Allah. C'est pas ceux qui les invoquent en dehors d'Allah ou qui sacrifient pour eux ou qui font des vœux pieux pour eux. Parce que ces pieux-là, eux-mêmes, ils n'acceptent pas, ils n'agréent pas cela. Ils ne peuvent rien faire et ils ne possèdent rien du commandement. وأنت حين تعبدهم أنزلتهم في غير منزلتهم وأنت لو جئت لأحد من الناس وقلت له أنت ملك أما يشعر هذا بأنك تسخر منه هل الإنسان العادي تقول له أنت مثل الملك أو أنت ملك فيعتبر هذا سخرية حيث أنزلته منزلة لم يصل إليها فالذي ينزل الصالحين منزلة الله فهذا في الحقيقة تنقصهم واحتقرهم ولا يحبهم إنما يحبهم من يقتدي بهم ويدعو لهم نعم. Le cheikh a dit que lorsqu'on adore ces pieux-là, lorsque les gens ils adorent ces pieux-là, on les met à une place qui n'est pas leur place. Comme si on disait à une personne parmi les gens, une personne lambda, on lui dit tu es un ange. Cette personne-là, si jamais on lui dit ça, c'est sûr qu'elle va penser qu'on se moque et on se raille d'elle. Parce qu'aucune personne n'a atteint ce niveau-là. Et si jamais on dit à une personne qui est normale que tu es un ange ou que tu es comme un ange, ou que tu es comme un ange, il va prendre ça comme une moquerie ou comme le fait de se moquer de lui. Parce qu'on a mis une place qu'il n'a pas atteint. Donc celui qui prend les pieux comme étant des divinités, il a dit qu'en réalité, il les a dénigrés. Il les a rabaissés et il ne les aime pas. Et celui qui les aime, c'est celui qui les prend comme guide et qui invoque pour eux. Non. Et là, c'est fini. On va s'arrêter ici pour cette semaine. Hadam Allahu A'lam, sallallahu ala nabina Muhammad, ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.